إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le mardi 26 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 19 mai 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble notre étude de la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et avant de commencer, un frère pose la question, est-ce que les 10 langues des tribus arabes expliquent les 10 lectures du Coran? Na'am. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran selon la langue de ces 10 tribus arabes, qui sont les 10 plus grandes et importantes tribus arabes, et dont la langue était répandue dans la péninsule arabique. Et après le Coran qu'on a aujourd'hui, yani, ça c'est ce qu'on appelle l'ahruf al-ashr, et non pas les 10 récitations du Coran, al-qira'at. On parle de l'ahruf al-ashr. Yani, c'est ça qui a été révélé dans, qui explique que le Coran a été révélé dans les langues des tribus arabes, des différentes tribus arabes. 10 langues, exactement. Yani, tu trouves des mots qui sont cités dans leur langue, avec le mot que eux utilisent pour désigner cette chose. C'est ça la signification. Mais par contre, al-qira'at al-ashr, les 10 récitations du Coran, ou les 10 lectures, si le frère yani, parle de al-qira'at, ça c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir avec les 10 langues. Les 10 langues, c'est les langues dans lesquelles le Coran a été révélé. Les langues arabes. Et ils sont au nombre de 10. C'est ce qu'on appelle en arabe l'ahruf al-ashr. Et après, il n'y a qu'une seule langue qui a été gardée et conservée par la suite. Par Uthman radiallahu anhu, quand il a fait la compilation du Coran, il a gardé la langue de Quraysh, qui est sans aucun doute la langue la plus éloquente de toutes les langues des tribus arabes. Donc, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est la langue de Quraysh. Et les 10 lectures du Coran, ou les 10 récitations, c'est autre chose, c'est en lien avec les savants de le Coran qui l'ont mémorisé et qui l'ont appris de Sahaba radiallahu anhum et qui l'ont transmis par la suite. Et chacun avait et transmettait ce qu'il avait appris de Sahaba radiallahu anhum. Il pouvait y avoir des différences. Donc nous avons parlé dans le cours précédent de la grande bataille de Najd, qui s'est fait appeler Ghazwat Dhat al-Riqa', dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam est sorti pour combattre les tribus de Ghatafan, qui se trouvent dans la région de Najd, et qui sont parmi les plus fortes tribus arabes. Et on a vu par rapport à cette bataille que ce qui est juste, c'est qu'elle a eu lieu après la bataille de Khaybar, et non pas ici. C'est-à-dire après l'année 7 de l'Égir. Et elle a eu lieu juste après la bataille de Usfan. Usfan, dans laquelle Nabi Isa Salam est sorti pour venger ceux qui ont tué ses compagnons dans Ba'th al-Raji'a, qui ont tué les 10. Et Rapafan, il est sorti pour venger les 70 parmi ses compagnons qui ont été tués. On a vu que les deux ont eu lieu dans le même mois, l'année 4 de l'Égir, dans le mois Safar. Et il les a vengés vers l'année 7. Car, comme j'avais expliqué selon les différents textes qu'on a vus, et ensuite également d'un point de vue stratégique. Nabi Issa Salam, juste après la bataille de Uhud, où la plupart des tribus ont rompu leur pacte avec les musulmans, c'est pas là où il va sortir et laisser le Médina sans protection et aller vers une tribu très loin, vers la région de Najd. Donc, ce qui est juste, comme l'a dit l'imam al-Bukhari et beaucoup d'autres savants, tels que Ibn al-Qayyim et autres, Ibn Hajar également, tous ils ont dit que cette bataille a eu lieu après la bataille de Khaybar. Après la bataille de Khaybar. La bataille de Khaybar qui a eu lieu vers l'année 7 de l'Égir. Et comme je vous avais dit, on va pas dire après cette bataille, il y en a, pour nous, ce qui est juste, c'est que cette bataille a eu lieu après la bataille de Khaybar. Mais en tout cas, dans l'année suivante, qui a suivi la bataille de Uhud, le Nabi Isa al-Salam est sorti dans le mois Sha'ban de l'année 4. Il est sorti dans le mois de Sha'ban de l'année 4 de l'Égir pour le rendez-vous que lui avait fixé Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb. Et après la bataille de Uhud, Abu Sufyan, si vous vous rappelez, il a dit au prophète Aïssa sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné rendez-vous l'année prochaine dans l'endroit même où s'est déroulée la bataille de Badr. Il lui a dit, on se retrouve là-bas et nous allons venger ceux que vous avez tués parmi nos dignitaires et les notables de Mecca, parmi les têtes de la mécréance. Et effectivement, Nabi Isa Salam a respecté ce rendez-vous et il est sorti dans le mois de Sha'ban de l'année 4 de l'Égir à ce rendez-vous. Il est sorti avec 1500 compagnons. Vous voyez que les choses commencent à évoluer. La bataille de Uhud, ils étaient 700. Et là, ils sont 1500 compagnons avec 10 chevaux. Ils sont sortis jusqu'à arriver à Badr. Badr, qui se trouve à peu près à 200 kilomètres de Médina. Et quand ils sont arrivés à Badr, ils ont attendu là-bas l'arrivée de Abu Sufyan et de son armée. Et Nabi Isa Salam a passé à Badr 8 jours, sans voir Abu Sufyan, qui a manqué à son rendez-vous, et il n'est pas venu, malgré qu'il avait préparé une armée, et qu'ils ont commencé à vouloir sortir. Ils sont sortis même jusqu'à parcourir 40 kilomètres de Mecca. Ils ont parcouru 40 kilomètres de Mecca. Ensuite, Abu Sufyan leur a ordonné de faire demi-tour. Et il a sorti comme excuse la sécheresse de laquelle souffrait Mecca cette année. Et il leur a dit, c'est meilleur pour vous de sortir dans une année où il n'y a pas autant de sécheresse. Et, soi-disant, il a reporté ça pour plus tard. Et effectivement, donc, comme on a vu, le Nabi Issa sallam est sorti, il a laissé sur le Madina, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Il a laissé comme responsable sur le Madina, le fils, qui est un grand compagnon, du plus grand hypocrite dans cette communauté. Subhanallah. Regardez comment Allah Azzawajal, il sort le bon du mauvais. Abdullah ibn Abdillah. Son père, il s'appelle Abdullah, et lui aussi, il s'appelle Abdullah. Et son père, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est celui, le grand hypocrite qui détestait le Nabi Issa alayhi salam, parce que soi-disant, il allait devenir le plus grand de Médine, et que l'arrivée du prophète alayhi salam a gâché son projet. Et que l'arrivée du prophète alayhi salam, soi-disant, a gâché son projet. Et regardez, Allah Azza wa Jal, il a guidé son fils, et c'est un musulman parmi les compagnons radiallahu anhum, et c'est lui que le Nabi Issa salam a laissé comme responsable sur le Madina quand il est sorti pour la bataille de la deuxième Badr, yani qui est appelé Badr al-Maw'id, Badr le rendez-vous, parce que Abu Sufyan avait donné rendez-vous, et le Nabi Issa salam avait dit à certains de ses compagnons pendant Uhud, dites-lui oui. Et le Nabi Issa salam a respecté ce rendez-vous, mais Abu Sufyan avait sorti une excuse, comme quoi Makkah souffrait de sécheresse et que c'était préférable de ne pas sortir cette année. Mais malgré que le Kuffar ne sont pas venus, la sortie des muslimines et leur arrivée jusqu'à Badr et d'y passer ce grand nombre de jours, ça a eu un effet immense dans les cœurs des bédouins autour de l'Madina. Et des tribus autour de l'Madina. Surtout après ce que les musulmans avaient subi à Uhud. Là, ça a permis aux musulmans de reprendre leur position et de devenir à nouveau craint par les tribus arabes après cet événement. Et c'est au sujet de cette bataille dans laquelle les musulmans sont sortis et ils n'ont pas eu de guerre ni de bataille, ni ils n'ont pas eu de combat. Allah Azza wa Jal a révélé des versets dans Sourate Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit: "Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl" لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Dans le sens approximatif. Et ils sont revenus alors bénis de la grâce et de la faveur d'Allah. Aucun mal ne les a touchés et ils ont cherché l'agrément d'Allah, car Allah est plein de faveur pour les croyants. Donc ils sont sortis, ils sont revenus avec la grâce d'Allah Azza wa Jal et ses faveurs, et ils n'ont pas été touchés par aucun mal, ils n'ont pas combattu. Et ils sont sortis, Allah Azza wa Jal, regardez ce témoignage, ils sont sortis en cherchant l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après Badr, le rendez-vous, après Badr, le rendez-vous, la plupart des savants, yani, citent après Badr al-Maw'id, ils citent une autre bataille qui s'est appelée la bataille de Doumatul Jandal. La bataille de Doumatul Jandal. Donc Doumatul Jandal, c'est le nom d'un endroit. Qui se trouve à peu près 600 kilomètres de l'Madina. Quand tu sors du nord de l'Madina et tu t'orientes vers Cham, À 600 kilomètres de Medina se trouve cet endroit qui s'appelle Doumatul Jandal. Et cet endroit, il se trouve à 5 jours de distance de Damas, en Syrie actuellement. Donc Damas, la Syrie ou Cham, c'était dirigé et gouverné par les Romains. Et justement, le Nabi alayhi salatu wassalam, il est sorti dans cette bataille pour deux raisons qui ont été citées par les savants. La première, il est sorti d'abord dans le mois Rabi al-Awwal, le 25 Rabi al-Awwal exactement. Et il est sorti parce que dans cet endroit, les gens de cet endroit, les habitants de cette contrée qui s'appelle Doumatul Jandal, qui est pas très loin de Sham, ils faisaient du mal à tous ceux qui passaient par à côté de leur endroit d'habitation. Ils faisaient du mal, ils interceptaient les caravanes commerciales et ils commettaient beaucoup d'injustices. Et en plus, ils se trouvaient sur le passage de la plupart des caravanes commerciales. Et dans cet endroit, il y avait un très très grand marché. Et beaucoup parmi les Arabes ont rejoint cette région-là, Doumatul Jandal, et ils pensaient à attaquer le Medina. Quand Nabi Issa salam a su ça, qu'il pensait à attaquer le Medina, il est sorti avec 1000 hommes. Et ils ont pris un guide de la tribu de Bani Udra, qui s'appelle Madhkour, qui connaissait bien. Là, c'est la première fois les musulmans, ils vont sortir vers le nord, comme ça, vers ces régions très très éloignées de le Medina. À peu près 600 kilomètres. Et avant que l'armée des musulmans n'arrive à Doumatul Jandal, un jour, où ça a été dit une nuit avant d'y arriver, yani à peu près 40 kilomètres avant d'arriver à Doumatul Jandal, le Nabi alayhi salam avec son armée ont attaqué le bétail de ces gens-là. Ils avaient leur bétail dans les pâturages à côté, et le Nabi alayhi salam et son armée ont attaqué leur bétail. Et ils ont pris ce qu'ils ont pu prendre, et d'autres ont pris la fuite. Donc tout ce qu'ils ont pu prendre, ils l'ont pris. Et quand ils sont arrivés, et quand la nouvelle est arrivée aux habitants de Doumatul Jandal, ils se sont dispersés, ils ont pris la fuite. Et quand Nabi alayhi salam est arrivé sur place, il n'a trouvé personne. Et il est resté quelques jours à cet endroit. Et pendant sa résidence à Doumatul Jandal, Nabi alayhi salam a envoyé des expéditions à droite, à gauche pour eux. Dans des excursions militaires pour voir comment c'est tout ça, pour découvrir les endroits. Je vais vous citer la deuxième cause de cette bataille et vous allez comprendre pourquoi il envoyait ces excursions militaires. Tous les jours il envoyait des excursions militaires et à chaque fois il revenait qu'avec des chameaux et du bétail, excepté une seule expédition de Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu, qui est revenu avec un homme qu'ils ont pris comme prisonnier. Et le Nabi alayhi salam lui a proposé l'islam, il l'a appelé à l'islam, il est entré dans l'islam. Al-Waqidi rahimahullah, il a cité une deuxième cause de cette bataille. C'est que le Nabi alayhi salam voulait s'approcher de Sham et faire peur aux Romains et à leur gouverneur César. Donc, Nabi alayhi salam, en plus, il voulait marquer la force des musulmans et s'approcher des Romains. C'est la première fois que ça va arriver. Donc tout ça s'est passé dans le 25 Rabi al-Awwal de l'année 5 de l'Hégire. Après ces deux batailles, Badr al-Maw'id et Doumat al-Jandal, la plupart des savants citent une autre bataille qui est une grande bataille importante qui s'appelle la bataille de Bani al-Mustaliq, Ghazwat Bani al-Mustaliq, ou la bataille de Al-Muraysi'. Bani al-Mustaliq, c'est la tribu. Et Al-Muraysi'i, c'est l'endroit. Donc, cette bataille, elle est connue avec ces deux noms. Ou bien avec le nom de l'endroit ou le nom de la tribu qui a été attaquée. Donc, ici, l'imam Ibn Kathir, il l'a pas cité. Il a pas cité cette bataille ici. Il a cité la bataille de Al-Khandaq. Pourquoi? Parce que au sujet de cette bataille, il y a une divergence sur l'année dans laquelle elle s'est déroulée. Il y en a qui ont dit qu'elle s'est déroulée dans le mois, ils sont tous d'accord que cette bataille s'est déroulée dans le mois de Sha'ban. Mais quelle année? Il y a un avis qui dit que c'était l'année 4 de l'Hégire. Donc l'année 4, cette bataille s'est déroulée avant la bataille de, ou là au même temps à peu près que la bataille de Badr. D'autres disent que cette bataille s'est déroulée l'année 6. Il avait le plus juste, c'est que cette bataille s'est déroulée dans l'année 5. Elle s'est déroulée dans l'année 5 de l'Hégire, le mois de Sha'ban. C'est-à-dire quelques mois après la bataille qu'on a vue qui s'appelle Doumatul Jandal. Et donc, elle précède la bataille de Al-Khandaq de deux mois. Et c'est ça, on va en parler quand l'imam Ibn Kathir va citer cette bataille, mais je voulais vous citer ça pour que vous sachiez que cette bataille, normalement, elle est avant Al-Khandaq. Parce que là, le prophète, alayhi salam, il va sortir, il va attaquer une grande tribu qui est Banu al-Mustaliq, une grande tribu arabe qui est pas très loin de Mecca. Elle est pas très très loin de Mecca, cette tribu. C'est une des plus grandes tribus arabes. Le Nabi alayhi salam est sorti et il les a attaqués et il les a vaincus d'une manière écrasante. Et la cause de sa sortie, c'est qu'il a entendu également que cette tribu se préparait pour attaquer Al-Madina. Le Nabi alayhi salam les a attaqués en plein milieu de leur territoire. Il les a attaqués d'une manière inattendue. Ils s'attendaient pas du tout. Ils avaient pas du tout entendu parler de la sortie de Nabi alayhi salam. Parce que Nabi alayhi salam dans cette bataille, ça, les détails, on va les voir plus tard. Mais pour que vous ayez une idée de cette bataille, de comment ça s'est déroulé, de ses conséquences et des événements importants dans cette bataille, pour que vous gardez ça en mémoire avant la bataille de Khandaq. Donc, Nabi alayhi salam, dans cette bataille, il a pas dit l'endroit qu'il allait attaquer. Mais il a utilisé une ruse dans la guerre. Et comme vous savez, la ruse est autorisée dans la guerre, comme c'est rapporté de Nabi alayhi salam. Quand tu veux attaquer ton ennemi, t'es pas obligé de lui dire que je vais t'attaquer demain. Il se prépare. Mais Nabi alayhi salam, toujours, il disait les endroits vers lesquels il se dirigeait. Mais quand il est sorti pour Bani al-Mustaliq, il l'a pas dit. C'est pour ça, il les a attaqués d'une manière inattendue, ou à laquelle il s'attendait pas du tout. Et il les a vaincus d'une manière, c'était une victoire écrasante des musulmans. Et l'imam Ibn Kathir, il va citer cette bataille après la bataille de Usfan et Dhi Qarad, et la bataille de Dhi Qarad. Mais ce qui est juste, et même l'imam Ibn Kathir, dans d'autres livres, il a cité cette bataille qu'elle doit être avant le Khandaq. C'est son avis aussi. Mais là, il a suivi l'imam de la biographie. Le plus grand imam de la biographie, c'est l'imam Muhammad ibn Ishaq. Il a suivi ibn Ishaq dans sa sira et dans l'ordre dans lequel il a classé les événements, et il l'a pas mis ici comme lui. Donc cette bataille de Bani al-Mustaliq, ça vous aide à comprendre pourquoi tous les Arabes vont s'allier et vont sortir comme ils vont sortir dans la bataille suivante qu'on va voir, la bataille de Khandaq, des tranchées. Parmi les causes, c'est ça. C'est que Nabi al-Sallam, maintenant, il vient jusqu'à chez eux, il les attaque sur leur territoire. Et il arrive à les dominer. Donc le danger est devenu encore beaucoup plus grand. Et une intervention comme celle qui va avoir lieu dans la bataille des coalisés est devenue éminente, est devenue une chose de grande urgence. Et dans cette bataille, la bataille de Bani al-Mustaliq, il y a eu quelques événements très très importants, dont le plus important, c'est l'histoire du grand mensonge au sujet de la mère des croyants, la pure, la sainte, la chaste, Aïcha, la fille de Siddiq, radiallahu anha, la personne la plus aimée à notre prophète, alayhi salatu wassalam, sur le retour vers le Madina, ça s'est passé, cette histoire qui a donné lieu à ce qui s'est appelé Qissatul Ifk. Al-Ifk, le grand mensonge, l'immense mensonge au sujet de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, et que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté dans 10 versets dans Surat Nur qui seront récités jusqu'à la fin des temps. Et malgré ça, les grands ennemis d'Allah, les Rafida, ils continuent à accuser la mère des croyants, radiallahu anha. Également dans cette bataille, un autre événement très très important, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tué le maître de Banu al-Mustaliq. Il a tué leur maître qui s'appelle Harith ibn Abi Dirar. Et subhanallah, dans cette bataille, parmi les prisonnières de guerre, il y avait la mère des croyants, Juwayriya bint al-Harith al-Mustaliqiyya, car elle est de la tribu de Banu al-Mustaliq. C'était parmi les prisonnières de guerre, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi, l'a épousé. Elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils ont tué son père. Et il y a des choses par rapport à ces événements que nous verrons, bi'idnillah, plus dans les détails, quand on parlera de cette bataille. En tout cas, cette bataille, dans la vie le plus juste, elle s'est déroulée dans le mois de Sha'ban, dans l'année 5 de l'Hégire. Donc, le mois de Sha'ban, ensuite Ramadan, Shawwal. 2 mois plus tard, c'est-à-dire le mois de Shawwal de l'année 5 de l'Hégire. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Kuffar Quraysh, il y a eu cette grande bataille qui était une très très grande épreuve pour les croyants. Une très très grande épreuve pour les croyants, comme Allah Azzawajal l'a décrit dans le Coran, qui est la bataille des coalisés, et au sujet de laquelle a été révélée Surat Al-Ahzab, Surat des coalisés. Et elle s'appelle également la bataille de l'Khandaq, parce que le muslimin, et pour la première fois de l'histoire de tous les Arabes, ils vont utiliser une technique de guerre que les Arabes ne connaissaient pas avant et qui a été montrée aux muslimines par un homme persan qui s'appelle Salman al-Farisi radiallahu anhu, et que cette technique était connue chez eux. Donc cette bataille dans laquelle Allah Azza wa Jalla a éprouvé les croyants, comme Allah a dit, là où les croyants furent mis à l'épreuve et durement ébranlés, dans Surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla, comment il a décrit la chose, là où les croyants furent mis à l'épreuve et durement ébranlés, Et Allah Azzawajal a raffermi leur cœur, le cœur de ses alliés pendant cette bataille. Et a dévoilé les hypocrites et tout ce qu'ils cachaient. Et il les a blâmés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sa victoire. Sa victoire pour ses serviteurs. Il a vaincu les coalisés à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et il a soutenu ses alliés avec de nombreux parmi ses, avec de nombreux soldats parmi les soldats d'Allah. Et il a renvoyé les mécréants sans avoir eu ce qu'ils voulaient et ce qu'ils visaient avec leur haine et leur rage. Et Allah a préservé les croyants des stratagèmes de leurs ennemis. Et ça, c'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette bataille, les mouchriquines ont réussi à rassembler 10 000 combattants de tous les ennemis des musulmans et du prophète alayhi salatu wassalam. Toutes les tribus qui avaient de la haine et également les tribus qui étaient en alliance avec Quraysh, tous ils ont réussi à les convaincre de sortir et ils sont sortis dans cette bataille avec 10 000 hommes. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla les a appelés les coalisés. Et les musulmans, leur nombre était de 3 000. Les musulmans, leur nombre était 3 000 à ce jour-là. Donc 10 000 contre 3 000, ils sont sortis avec comme ultime objectif de mettre fin à l'islam et les musulmans. De mettre fin à l'islam et les musulmans. Et de raser les musulmans et de tuer tous les musulmans. C'est pour ça, ce qui explique ce nombre immense avec lequel ils sont sortis. Et à partir de cette bataille, comme je vous ai dit précédemment, quand on a parlé des batailles décisives, on a parlé de la bataille de Badr et de la bataille de Uhud, et je vous ai dit que la bataille de Khandaq était la troisième de ces batailles. Comme il dit l'imam Ibn Kathir ici, il dit, car Allah, depuis cette bataille, a interdit religieusement et par son décret à ses ennemis de songer même à attaquer et à conquérir les terres des croyants. Yani Al-Madina. Comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari, selon Sulayman ibn Sard, radiallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire, quand Allah a repoussé et a renvoyé les coalisés, il a dit, je l'ai entendu dire, à partir de cet instant, c'est nous qui allons les conquérir et ne pourrons plus jamais nous conquérir. Et c'est nous qui allons marcher vers eux et ils ne pourront plus jamais marcher vers nous. Subhanallah. Ça veut dire avec cette bataille, plus jamais les tribus arabes ne penseront à attaquer le Médina et à chercher à conquérir le Médina. C'est la dernière tentative de le kuffar. Et cette bataille, comme j'ai dit, a eu lieu dans l'année 5 de l'Hégire, dans le mois de Shawwal, dans la vie le plus juste parmi les deux avis des savants de la biographie, il dit l'imam Ibn Kathir. Et Dalil, que cette bataille a eu lieu dans l'année 5, c'est que il n'y a pas de divergence entre les savants au sujet de la bataille de Uhud, et qu'elle a eu lieu dans le mois Shawwal, l'année 3 de l'Hégire. Et comme on a vu précédemment, Abu Sufyan a donné rendez-vous au prophète alayhi salatu wassalam l'année suivante. Et il n'a pas pu sortir sous prétexte qu'il y avait la sécheresse à Mecca l'année suivante, c'est-à-dire l'année 4, le mois Shawwal de l'année 4. ils ont reporté leur sortie jusqu'à cette année dans laquelle s'est déroulée cette bataille, qui est l'année 5, dans le mois de Shawwal. Donc on ne va pas s'attarder trop sur cette divergence. Notez bien que c'est ça la vie juste, c'est que cette bataille a eu lieu dans le mois Shawwal de l'année 5. Il y a des savants qui disent qu'elle a eu lieu dans l'année 4, comme Ibn Hazm, rahimahullah, et d'autres savants. Mais ce qui est juste, c'est qu'elle a eu lieu dans l'année 5. Et parmi les dalils également, c'est que Abdullah ibn Umar, a participé pour la première fois, il a été accepté pour la première fois dans une bataille avec le prophète, alayhi sallam, dans cette bataille, qui est la bataille des tranchées. Et il était pubère. Il a atteint 15 ans. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas ceux qui n'avaient pas encore 15 ans. Il n'acceptait pas ceux qui n'avaient pas 15 ans dans les batailles. À deux exceptions comme on les a vues. Ce compagnon qui était très très bon, un très bon archer, et l'autre qui était plus fort que lui physiquement. Donc les deux sont passés à 14 ans. Mais sinon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas les combattants avant d'arriver à 15 ans. Et c'est pour ça qu'il y a des savants qui disent, dans le madhhab al-Hanbali, que s'il n'y a aucun signe de puberté qui apparaît sur l'enfant, fille ou garçon, alors à 15 ans, il est pubère, de toute façon, même si on voit aucun signe. Parce qu'à 15 ans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam acceptait les combattants et il les acceptait, ça signifie qu'ils étaient pubères. C'est de là qu'ils ont déduit ce point. Et la cause de cette bataille, la bataille des tranchées, c'est des juifs de Banu Nadir. Après que le prophète les ait bannis de l'Médina, qui sont partis en majorité vers Khaybar, surtout les plus nobles parmi les juifs et leurs maîtres, tels que Salam ibn Abi al-Huqayq et Salam ibn Mishkam et Kinan ibn Rabi' et d'autres. Yani, ils sont tous partis vers la ville de Khaybar. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les avait bannis de l'Médina, quand ils avaient trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils voulaient tuer le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a bannis, ils ont gardé cette haine contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont cessé de comploter contre les musulmans. Et dans un de leurs voyages vers Mecca, ils sont sortis avec leurs maîtres, tels que ceux que j'ai cités, et d'autres parmi les dignitaires juifs. Ils sont sortis à Mecca et ils ont rencontré les têtes de Quraysh. Ils ont rencontré les têtes de Quraysh et ils les ont remontées fortement contre le musulmin. Ils les ont remontées contre le musulmin et ils les ont incités fortement à combattre le musulmin. Et ils leur ont proposé beaucoup d'argent comme aide dans cette bataille contre le musulmin. Et ils leur ont promis également de participer avec eux dans la bataille. Et ensuite, ils sont sortis et ils ont rencontré également les tribus de Ratafan. Ils les ont appelés à la même chose. Et ils leur ont proposé également beaucoup de biens pour les aider dans cette bataille contre les muslimines. Et le maître de Ghatafan à ce jour-là était Uyayn ibn Hisn. Et ainsi, ils ont pu aider au rassemblement d'une armée de 10 000 hommes. Ils ont réussi à rassembler une armée de 10 000 hommes. Et quand Nabi Issa salam a entendu que toutes ces tribus arabes sont sorties pour le combattre, et avec un nombre immense, vous vous rappelez, les armées qu'on a vues précédemment, c'était 1000, c'était 2000, ça dépassait jamais ces choses-là. C'est la première fois qu'une aussi grande bataille se déroulera avec 10 000 hommes dans les rangs des mécréants. Quand Nabi Issa salam a entendu parler de cette sortie, il a ordonné qu'on creuse des tranchées qui empêcheront le mushrikin d'arriver jusqu'à Al-Madina, qui représenteront une séparation entre leur armée afin de bloquer leur armée et ne pas leur permettre d'attaquer Al-Madina elle-même. Et ce plan de guerre était proposé par Salman al-Farisi radiallahu anhu. Et les muslimines ont tous travaillé dans ces tranchées et effectivement ils ont réussi à faire ces tranchées. Et dans leur travail, il y a eu beaucoup de signes de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam qui sont apparus et qui ont été rapportés de manière authentique. Nous allons en parler, on va les garder vers la fin, inshallah. En tout cas, quand ils creusaient, ils ont vu beaucoup de signes de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ces tranchées ont été terminées, le kuffar était arrivé autour de l'Madina. Comme Allah Azza wa Jal les a décrits. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Dans le sens approximatif, إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ, ils venaient alors vers vous par en dessous de vous et par en dessous. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, c'est-à-dire ils sont venus de tous les côtés, Kuffar Quraysh. Et Nabi Issa alayhi salam est sorti avec 3000 hommes, mais ils étaient à l'intérieur, du côté intérieur de ces tranchées. Et de l'autre côté, il y avait les armées des coalisés. Et les muslimines, leur armée était de 3000 hommes. Donc là, je l'ai dit, ils venaient alors vers vous par en dessus de vous et par en dessous. Yani, de tous les côtés. Et c'est là où Allah Azza wa Jal, la suite du verset, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Les yeux étaient révulsés et les gorges nouées. Ça, c'est les compagnons qui sont décrits. Les yeux étaient révulsés et les gorges nouées. Et vous hasardiez au sujet d'Allah les fausses conjonctures. Yani, subhanallah, il y avait parmi les muslimines. Et comme on va voir, yani, on va pas citer les choses avant leur temps. En tout cas, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla a décrit ce qui s'est passé aux muslimines. Tellement c'était dur et pénible pour eux. Donc Ibn Ishaq, l'imam Ibn Kathir, il dit que Ibn Ishaq, rahimahullah, a dit que le nombre des musulmans dans cette bataille était de 700, et ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur, parce que 700 c'est dans la bataille de Uhud, comme on a vu. Mais après il y en a qui disent, yani dans le commentaire que j'ai, c'est que Ibn Ishaq il a pas dit 700, et que dans Sira il a dit 3000, comme on a vu aussi. Peut-être que l'imam Ibn Kathir a vu ça dans un livre qui a été rapporté de lui, mais ce qu'il a dit dans Sira qu'on a entre nos mains aujourd'hui, c'est 3000, exactement comme lui aussi a dit l'imam Ibn Kathir. Donc les muslimines, ils ont dirigé, yani ils ont laissé derrière eux la montagne de Sal'a, une montagne qui se trouve à Médine. Donc ça c'est pour vous montrer la direction de l'armée. Et ils ont ordonné à ce que les femmes et les enfants restent dans les forteresses de Médine, dans des lieux bien protégés, les femmes et les enfants. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a désigné Abdullah ibn Umm Maktoum comme responsable sur les femmes et les enfants. Et Abdullah ibn Umm Maktoum radiyallahu anhu, c'est un compagnon. Non, afwan, ça c'est Hassan ibn Thabit. Abdullah ibn Umm Maktoum, c'est le muadhin du prophète alayhi salatu wa salam radiyallahu anhu. Et ensuite, quand les coalisés se sont mis autour de Médina et qu'ils ont assiégé Médina de tous les côtés avec ce nombre immense, yani d'un côté, il y avait les tranchées pour protéger Médina, d'un autre côté, il y avait les montagnes du côté de Uhud, tout ça, et le troisième, il y a quatre côtés. Le troisième, c'était une terre très difficile sur laquelle c'était difficile de marcher. Tellement il y avait de pierres et de choses comme ça. Et le quatrième côté, c'est le côté dans lequel il y avait les châteaux et les forteresses de la tribu de Banu Qurayda. Les châteaux et les forteresses de la tribu de Banu Qurayda. Donc normalement, le Médina est protégé, car l'armée ne peut pas traverser les tranchées. L'armée des Kuffar, malgré leur grand nombre, ils ne peuvent pas traverser ces tranchées, tellement ils sont profonds et ils sont larges. Le cheval ne peut pas y sauter. Et ensuite, les musulmans sont aux aguets, ils sont prêts de l'autre côté des tranchées, ils sont 3000, armés et préparés au combat. Et ils ont les archers et tout ça. Donc ils sont préparés pour le combat. C'est pour ça, une des lacunes par laquelle les kuffars peuvent entrer, c'est justement cette tribu juive de Banu Qurayda. C'est pour ça, Huyay ibn Akhtab de Banu Nadir, donc de Huyay ibn Akhtab, c'est le père de Safiya radiallahu anha. Quand il a vu que les forteresses de Banu Qurayda pouvaient être une lacune, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le maître de Banu Qurayda, qui est Ka'b ibn Asad, leur maître. Et comme il a rapporté Moussa ibn Uqba dans le Maghazi, rahimahullah, il a dit que dans un premier temps, il lui a proposé de trahir le pacte qu'il y avait entre eux et le prophète, alayhi salam. Et Ka'b ibn Asad, dans un premier temps, il a refusé. Et écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, par Allah, je n'ai pas vu un homme plus véridique et qui tient plus ses promesses que Muhammad et ses compagnons. Et par Allah, ils nous ont pas forcés à entrer dans leur religion. et ils n'ont pas pris nos biens. Et on n'a vu d'eux que du bien. Et à quoi tu m'appelles, toi ? Tu m'appelles à la perdition. À ma perdition à moi et de ma tribu. Alors je te demande par Allah de m'excuser et de ne pas me faire rentrer dans tes complots. Et de me laisser dans mon pacte avec le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien évidemment, Huyay ibn Akhtab ne l'a pas lâché aussi simplement. Il a tellement insisté. Il a insisté. Et d'autres parmi leurs maîtres, qui étaient raisonnables, ils ont dit, si vous voulez pas maintenir votre pacte d'allégeance et de contribuer dans la protection de l'Madina avec les musulmans, au moins ne les trahissez pas. Et laissez-les entre eux et leurs ennemis. Et ne vous mêlez pas à cette affaire, au minimum. Mais Huyay ibn Akhtab n'a cessé de mettre la pression sur les Banu Qurayda jusqu'à ce qu'il a réussi à avoir d'eux la trahison et la rupture du pacte avec les musulmans et avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, bien évidemment, ce que je vous ai dit, c'était dans la tête du prophète alayhi salatu wassalam, que Banu Qurayda, ça peut être une lacune pour nous. Donc Nabi alayhi salatu wassalam a envoyé deux hommes parmi ses compagnons, les deux Sa'd ibn Mu'ad et Sa'd ibn Ubada, les deux plus grands maîtres de l'Madina, des Médinois. Il les a envoyés car ils avaient des liens avec les Banu Qurayda. Il les avait envoyés avec un autre compagnon qui s'appelle Khawat ibn Jubayr, radiyallahu anhu, et Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu. Il a envoyé les quatre pour aller voir Banu Qurayda et voir est-ce qu'ils respectent toujours ce pacte qu'il y a entre eux et les musulmans et de leur demander de le renouveler. Yani comme signe de maintien de ce pacte. Et quand ils se sont approchés d'eux, ils ont vu que les Banu Qurayda, les juifs de Banu Qurayda, montraient la haine pour les musulmans et pour le prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont vu les signes de la trahison. Et ils se sont insultés, et certains parmi les juifs, qu'Allah les maudisse, ils ont, comme il a dit l'imam Ibn Kathir, ils ont dit du mal du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ensuite, Sa'd ibn Mu'ad les a insultés quand ils ont insulté le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Sa'd ibn Ubada, il lui a dit, c'est pas pour ça qu'on est venu. Et yani, ce qu'on a devant nous est beaucoup plus grave que des insultes. Et ils sont repartis. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, avant de les envoyer, il leur avait dit que quand vous allez là-bas, et si jamais vous voyez qu'ils ont rompu le pacte, et bien évidemment le Nabi alayhi salam, il s'attend à ça. Il connaît comment ils sont les juifs. Il s'attendait à ça. Il leur a dit, si jamais vous trouvez qu'ils ont rompu leur pacte, ne venez pas le répéter devant les gens. Car ça peut décourager l'armée. Si les gens ils voient déjà ce grand nombre autour de l'Madina, encerclés de partout, assiégés par leurs ennemis, et en plus qu'ils peuvent se faire attaquer d'un des côtés qu'ils pensaient être sûrs, ça c'est quelque chose. Nabi alayhi salam ne voulait pas que les gens entendent cela si jamais c'est le cas. Nabi alayhi salam ne voulait pas que les gens entendent ça si jamais c'est le cas. Et il leur a dit de le dire d'une manière subtile, que lui va comprendre et les autres ne comprendront pas. Et effectivement, quand ils sont revenus, il leur a dit, alors, quelles sont les nouvelles? Ils ont dit, Adal wal-Qara. Adal wal-Qara. C'est ce qu'ils ont dit. Adal et Qara, c'est les deux tribus qui ont tué les 10 compagnons dans Ba'th al-Raji', qui ont trahi. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que les juifs ont trahi. Et les musulmans qui étaient présents, ils n'ont pas, mais ils ont vu le visage des compagnons qui sont revenus, et ils ont vu que c'était pas des choses, des bons signes. Et c'est ça ce qui a rendu l'affaire encore plus grave et plus dangereuse, au point où c'est arrivé, comme Allah Azza wa Jal a dit, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون, là où les croyants furent mis à l'épreuve, وزلزلوا زلزالا شديدا. Si on veut traduire littéralement, ils ont été touchés par un immense tremblement. C'est-à-dire qu'ils étaient durement ébranlés. Subhanallah, ça quand tu le lis en arabe, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, يعني une personne, elle reçoit, comme si une personne, elle reçoit un tremblement de terre à elle seule. Et Allah, il décrit cette épreuve comme une très grande épreuve pour les croyants. Et ce jour-là, ont été dévoilés beaucoup d'hypocrites. Et beaucoup ont montré leur hypocrisie. Parce que là, c'est aux yeux des gens, si t'as pas une grande certitude sur Allah Azza wa Jal et sur la véracité de sa promesse, tu faiblis. Et la personne peut être un vrai croyant, mais faible, il faiblit également. C'est pour ça l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit, et des tribus qui sont Banu Haritha ont demander au prophète de les excuser et de ne pas rester avec lui dans les armées et de les laisser retourner dans leur foyer afin de protéger leur maison. Car ils ont dit, nos maisons n'ont aucune protection. Ni dans leur tribu, les Banu Haritha, une tribu de Medina, ils ont dit, on n'a aucune protection et on est les premiers, les plus proches des coalisés. Alors on va aller dans nos tribus pour les protéger. Et la tribu de Banu Salima, une très grande tribu également de Medina, eux aussi, ils ont failli échouer et se désister. Mais Allah Azza wa Jal a raffermi les deux tribus, les Banu Haritha et les Banu Salima. Allah Azza wa Jal a raffermi les deux tribus, la tribu de Banu Haritha et la tribu de Banu Salima. Et par rapport à ces deux tribus, Allah Azza wa Jal dit, wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Un groupe parmi eux disait aux gens de Yathrib. Yathrib, c'est l'ancien nom de Medina que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a changé. Et maintenant, il est plus autorisé d'appeler le Medina Yathrib. Sauf pour informer de son ancien nom. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a changé ce nom. Il l'a appelé le Medina, il l'a appelé Tiba, il l'a appelé Taba, il l'a appelé Tayiba, plusieurs noms. Un groupe parmi eux disait aux gens de Yathrib, il n'y a pas de place pour vous ici. C'est-à-dire parmi les rangs des combattants. Retournez donc chez vous. Un autre groupe demandait au prophète la permission de s'en aller en disant, nos maisons sont exposées au danger. Or, elles ne l'étaient point, et ils ne pensaient qu'à prendre la fuite. Subhanallah. Nous demandons à Allah de nous raffermir sur la foi. Et de nous accorder une foi sincère. C'est pour ça, mes frères, parmi ceux qui ont assisté à ces événements de Al-Khandaq, Ghazwat Al-Ahzab, Hudhayfa ibn al-Yamān radiyallahu anhu, qui avait un grand rôle, il a entendu un tabi'i qui disait: j'aurais souhaité être à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, j'aurais fait ça et ça et ça et ça. Il lui a dit: calme-toi mon neveu ou mon frère, calme-toi. C'était un tabi'i, c'était pas un sahabi, un jeune tabi'i. Et Hudhayfa l'avait entendu. Et il lui a dit: calme-toi, car on a traversé des épreuves, yani, très très difficiles. Dans le sens, est-ce que toi t'aurais pu les supporter? Comme ce jour-là, dans le Khandaq, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demande, qui part me ramener les informations des coalisés, il sera avec moi comme ces deux-là au paradis. Et parmi les hommes présents, il y a Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il y a Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il y a des grands compagnons. Et personne n'a bougé de sa place. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a désigné Hudhayfa ibn al-Yamān, radiallahu anhu. Et Hudhayfa ibn al-Yamān, tellement il avait faim, il avait froid, il avait peur, tellement il n'arrivait pas à bouger. C'est pas, yani, une peur, yani, il n'arrivait pas à bouger de sa place, radiallahu anhu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait du'a, il lui a dit: lève-toi. Et subhanallah, il dit, dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a, je ne sentais plus rien, ni le froid, ni la faim, ni rien. Et il est parti, radiallahu anhu, il a accompli la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des façons, à la perfection, radiallahu anhu. À la perfection au point où à un moment, il voit à côté de lui Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, à ce moment-là, très grand ennemi d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Et un compagnon comme Hudhayfa ibn al-Yamān, radiallahu anhu, il voit un grand ennemi comme ça d'Allah, qui combat Allah et qui combat son messager. Bien évidemment, vous imaginez l'envie de le tuer. Mais il s'est rappelé le conseil du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: ne fais rien, excepté ce que je t'ai dit. Et il l'a pas tué. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla a voulu le bien pour Abu Sufyan, et il est devenu musulman par la suite. Il l'aurait tué, il serait parmi les gens de l'enfer. Mais il s'est tenu aux orientations du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme je vous ai dit, sahaba radiallahu anhum, ils ont beaucoup profité de ce qui s'est passé à Uhud. Et c'était une très très grande leçon pour eux. Et ça se manifeste dans beaucoup de récits, radiallahu anhum. Donc, ne souhaite pas être à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, accepte l'époque dans laquelle Allah Azza wa Jal t'a mis. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider et de t'accorder le meilleur de ce qu'il accorde, subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui nous dit, si on serait à cette époque, peut-être qu'on serait avec Abu Jahl et Abu Lahab. Les musulmans sont démunis, sont faibles, sont une petite minorité. Qui te dit que toi, tu vas laisser tous les autres et tu vas aller avec les musulmans? Et ça vous montre aussi le mérite de ces hommes, les premiers dans l'islam. Le mérite de ces hommes qui sont les premiers dans l'islam. C'est pas comme ceux qui sont venus après. C'est rien à voir. Ça, c'est les premiers dans l'islam. Radiallahu anhum wa ardahum. Et c'est d'eux qui nous est parvenu l'islam. Et c'est eux qui nous ont transmis l'islam dans toute son authenticité et dans les plus petits des détails. Radiallahu anhum. Et qu'Allah les récompense énormément. Radiallahu anhum. Et notre droit pour eux, notre droit vis-à-vis d'eux, c'est de les aimer. C'est de les aimer et de leur faire dua. C'est de les aimer et de leur faire dua et de s'écarter de ceux qui disent du mal d'eux ou qui les insultent. Comme Allah Azza wa Jal nous a enseigné dans Sourate Al-Hashr, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله عز وجل nous enseigne le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des compagnons رضي الله عنهم. Il nous dit: ceux qui arrivent plus tard disent: Seigneur, veuille nous pardonner ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne mets point de rancune dans nos cœurs envers ceux qui ont cru. Seigneur, t'es si compatissant et tout miséricordieux. C'est comme ça que doivent être les croyants vis-à-vis des compagnons. Ils leur font dua et ils font pas dua contre eux comme le font Rafida. Ils les aiment. Et ils demandent à Allah de leur pardonner et de les maintenir sur la même voie que eux. Et ils ne rentrent pas dans les disputes qu'ils ont eues entre eux. Ils ne rentrent pas dans cela. Car t'es pas à l'abri d'avoir une mauvaise pensée à l'égard d'un compagnon. Radiallahu anhum tous. Qu'Allah les agrée tous. Donc ce jour-là est apparue l'hypocrisie d'une manière apparente, au point où deux tribus parmi les tribus de Médina, qui sont des croyants, radiallahu anhum, et c'était pas des hypocrites, lakin, ils ont failli faiblir, et ils ont demandé ces demandes, mais par la suite, Allah Azza wa Jal les a raffermis, radiallahu anhum. Et cet assiègement a duré un mois. Les kuffar ont assiégé le Médina pendant un mois. Vous imaginez, un mois, c'est énorme. Et pendant tout ce mois, il n'y a pas eu de combat entre le musulmine et le kuffar. Par la cause de ces tranchées qu'Allah Azza wa Jal a permis aux croyants de creuser autour de l'Madina. Donc il n'y a pas eu de combat, de réel combat entre les deux groupes, excepté une fois où celui qui s'appelle Amr ibn Abd Wud al-Amiri, celui, comme on l'a vu à plusieurs reprises, cet homme qui était considéré par les plus grands héros des Arabes. C'est un homme qui n'a jamais été vaincu. Et c'est lui qui a tué le petit frère de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, un des 10 annoncés au paradis, son petit frère qui est entré dans l'islam juste après lui, donc un des premiers dans l'islam. Sa'd ibn Abi Waqqas, il a été appelé à l'islam par Abu Bakr Siddiq, dès qu'il est entré dans l'islam. Donc, cet homme, Amr ibn Wad, c'est lui qui a tué Amr ibn Abi Waqqas, le petit frère de Sa'd, radiallahu anhu. Et ce jour-là, avec quelques hommes, il a étudié les tranchées jusqu'à ce qu'il a vu un endroit où il y avait moyen de traverser, où c'était pas aussi large que le reste des tranchées. Effectivement, avec leurs chevaux, ils étaient quelques-uns, ils ont réussi à traverser. Et dès qu'ils ont réussi à traverser, avant de traverser, quand ils ont regardé les tranchées, ils ont dit: ça c'est une ruse que les Arabes ne connaissaient jamais avant. Et ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils ont trouvé cet endroit dans lequel il y avait moyen de traverser. Effectivement, ils ont traversé. Mais quand ils ont traversé, leurs chevaux ont failli couler dans la terre. Il y avait comme un étang, comme un marais. Mais ils ont réussi à traverser finalement. Ils ont appelé les musulmans à des duels. Et celui qui est sorti pour Amr ibn Wud, ou Amr ibn Abd Wud, c'est Ali ibn Abi Talib, l'héros des musulmans. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il est sorti, il a combattu, il l'a tué. Il a tué cet homme qui était un homme très connu pour son courage et pour sa force, comme j'ai dit, mais il était âgé, il avait dépassé 100 ans. Il avait plus d'une centaine d'années, cet homme. Et Ali, radiallahu anhu, l'a tué. Quand les autres, ils ont vu Ali tuer Amr ibn Abdiwud, ils ont compris que c'était... ils ont vu la force des musulmans. Et d'ailleurs, ça, c'était le début de la victoire des musulmans dans ce combat et dans cette bataille. Et ensuite, ils ont pris la fuite. Et les musulmans, comme à leur habitude, ils choisissaient, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur choisissait un slogan, un mot qu'ils vont répéter pendant la bataille pour s'encourager et pour se motiver. Et ici, il disait, dans la bataille de l'Khandaq, il disait « Hamim la yunsaroun »« Hamim la yunsaroun » C'est rapporté par Nasa'i et Abu Dawoud et Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique. Avec une chaîne de transmission authentique. Donc il disait « Hamim la yunsaroun » Et comme la période de cet encerclement de Medina par Kuffar Quraysh, par les coalisés, a duré très longtemps, un mois où le musulmane est encerclé, c'est énorme. Le Nabi alayhi salam a pensé à une idée. C'est de voir avec le maître des Bani Ghatafan, qui est Uyayn ibn Husn, Al-Harith ibn Auf. Il leur a dit, on va vous donner un tiers de la récolte de l'Madina, des dates de l'Madina, et vous repartez avec Ghatafan. Au moins, ça diminue un peu le nombre. Comme on a vu, Ghatafan, c'est une des grandes tribus arabes et des tribus les plus fortes. Donc, Nabi alayhi salam a essayé de faire cet arrangement avec les maîtres de Ghatafan. Mais finalement, ça s'est pas fait. Pourquoi ça s'est pas fait? Parce que quand les deux Sa'd, les deux maîtres des Médinois, parmi les compagnons radiallahu anhum, Sa'd ibn Mu'ad et Sa'd ibn Ubada, quand ils ont entendu que le prophète alayhi sallam essayait de trouver un arrangement avec Bani Ghatafan contre un tiers de la récolte de dattes, ils étaient voir Nabi alayhi sallam, ils lui ont dit, ô messager d'Allah, regardez toujours l'adab, mes frères, avec Nabi alayhi sallam de ses compagnons radiallahu anhu. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que ça c'est quelque chose qu'Allah t'a ordonné? Alors on est tout obéissant. Écoutant et obéissant. Ou c'est quelque chose que tu fais pour nous arranger, nous? Parce que, la dureté de, cet encerclement, et on est assiégé pendant un mois, et Ali, c'est pour nous arranger, nous. Alors, si tu vises à nous arranger, alors sache au messager d'Allah, que, avant l'islam, dans la période anti-islamique, quand on était des adorateurs des idoles et des statues, ces gens-là n'espéraient jamais prendre une seule date de notre récolte que quand on les honorait comme invités ou dans le cadre de la vente et du commerce. Mais prendre une seule date de force et par soumission comme ça, ils ne pouvaient pas l'espérer avant qu'on devienne musulman. Alors que maintenant qu'Allah Azzawajal nous a honorés avec l'islam, il nous a guidés vers sa religion de vérité et nous a donné cette puissance et cette force, on leur donne nos biens comme ça. Ô messager d'Allah, par Allah, nous leur donnerons que l'épée. Ils n'auront de nous que l'épée. Et Nabi alayhi sallam leur a dit, c'est quelque chose que j'ai fait pour vous. Et pour vous faciliter. On a vu Nabi alayhi sallam de Uhud. Il préférait rester fil Madina. Mais si vous voulez sortir, Le Nabi alayhi sallam est le plus courageux de tous les courageux. Il a peur de rien. Mais le chef ne doit pas agir selon sa personne. Il doit voir également ceux qui sont sous sa responsabilité. Et l'imam ne doit pas prier selon sa capacité. Il peut prier une heure, salat al-dhuhr. Non, ça tu le fais quand t'es chez toi. Mais quand t'es dans le jama'a, tu pries selon... Tu diriges la salat selon le niveau du plus faible parmi eux, comme il a été rapporté dans le hadith. Mais après, il y a un minimum dans le salat. Il y a des gens qui lisent ces hadiths et ils pensent que dhuhr, tu le pries en 2 minutes. Non, il y a un minimum de sérénité qu'il faut avoir et de concentration dans le salat, mais l'affaire très longue, ça, c'est pas autorisé pour l'imam que quand il prie seul chez lui ou il prie avec des gens qu'il connaît tous, ils sont d'accord. Et donc ainsi, cet arrangement n'a pas été fait et Sahaba, radiyallahu anhum, parmi l'Ansar, ne l'ont pas voulu et Nabi alayhi sallam ne l'a pas fait finalement. Ensuite, on a vu le début de la victoire, c'est quand Ali radiyallahu anhu a vaincu Amr ibn Abdiwud, ce grand héros des Koufars. Et ça, c'était le début de la défaite. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, c'est pour ça que l'imam ibn Kathir, dans le début de cette bataille, il a dit qu'Allah a vaincu à lui seul tous les coalisés. Regardez comment la victoire, elle va arriver après ces difficultés et ces grosses épreuves et tout ce que les croyants ont subi. Et en plus du vent et du froid qu'il y avait et de la faim dont ils souffraient. Tout ça réuni, regardez quand Allah il veut donner la victoire. La victoire, parmi ses causes principales, c'est un seul homme. Un seul homme qui va être la cause ou une des causes principales de cette victoire. Cet homme, il s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir al-Ghatafani radiyallahu anhu. Cet homme est venu quand Allah a voulu l'issue pour les musulmans. Il est venu chez le prophète alayhi salam. Il lui a dit au messager d'Allah, je suis devenu musulman. Alors ordonne-moi ce que tu souhaites. Qu'est-ce que je fais maintenant pour défendre l'islam et les musulmans? Il lui a dit, alayhi salam lui a dit, t'es un seul homme. Yani, qu'est-ce que tu vas changer? Mais ce que je te demande, c'est d'essayer de les diviser, car la bataille est une ruse. La bataille est une ruse, c'est rapporté dans l'authentique, dans les deux authentiques, l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, selon Jabir et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu. Donc il lui a dit, essaye de les diviser. Et lui, il est devenu muslim. Donc Kuffar Quraysh ne savait pas encore que c'était un muslim. C'est un Ghatafani. Il est de la tribu de Bani Ghatafan. Et subhanallah, Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani, radiyallahu anhu, il est reparti. Et est-ce que c'est lui qui a eu ce plan? Et est-ce que le Nabi alayhi salam lui a donné? Ici, c'est lui qui a eu le plan dans la version que rapporte l'imam ibn Kathir. D'autres savants disent que c'est le Nabi alayhi salam qui lui a montré ce plan. En tout cas, Nu'aym radiyallahu anhu est parti d'abord chez les juifs de Banu Qurayda. Et il avait des relations très intimes avec eux avant l'islam. Il est parti les voir, et il ne savait pas qu'il était devenu musulman. Il leur a dit, vous savez, la place que vous avez pour moi, ce que vous représentez pour moi et l'amitié avec le yani qui nous lie. Il leur a dit, vous avez décidé de combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez décidé de combattre Muhammad et vous savez très bien que Quraysh, toutes ces tribus, tous ces coalisés, si jamais ils trouvent une occasion et ils décident d'abandonner la guerre et de repartir chez eux, ils repartiront, ils vous abandonneront. Et vous restez seul face à Muhammad. Et il se vengera de vous. Ils ont dit, alors qu'est-ce qu'on doit faire au Nu'aym? Il a dit, ne rentrez pas dans le combat jusqu'à prendre des otages comme garantie de la part de Quraysh et qui vont mener la bataille jusqu'à la fin. Qui vous donne quelques hommes que vous laissez chez vous comme otages, comme ça, yani c'est une garantie de leur part qui vont mener la guerre jusqu'à la fin et qui vont pas vous abandonner si jamais il y a un renversement de situation. Ils ont dit, quelle bonne idée celle-là. Et il est parti voir Quraysh, il a rencontré Abu Sufyan, et il lui a dit, tu connais comment je suis quelqu'un de bon conseil pour toi, depuis toujours. Il lui a dit, oui, ça je le sais. Il lui a dit, alors sache que les Juifs ont regretté leur trahison et qu'ils ont rompu le pacte qu'ils avaient avec les musulmans et ils ont communiqué avec le prophète, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont mis d'accord avec lui qu'ils vont vous demander des otages et qu'ils vont leur donner aux musulmans. Yani, comme une façon de se rattraper sur leur erreur. Et qu'il a accepté de cela. Et ensuite, il est parti voir sa tribu, la tribu de Ratafan, et il leur a dit la même chose. Il leur a dit la même chose. Quand c'était la nuit du samedi, du mois Shawwal, les Quraysh ont envoyé aux Juifs un homme pour leur dire que ça fait longtemps qu'on est là, ça a duré très longtemps, cet assiègement, et que on veut finalement combattre cet homme et en finir. On est 10 000. Mais qu'est-ce qu'on attend? Ça a duré longtemps, un mois. Maintenant, on veut le combattre et en finir avec yani, cette histoire. Quand ils leur ont dit ça, les Juifs ont répondu, aujourd'hui, on est le samedi. Et nous, on combat pas pendant le samedi. Et si vous voulez qu'on combatte avec vous de toute façon, alors donnez-nous des otages qu'on garde avec nous, si jamais, yani, comme garantie que vous allez pas nous abandonner en cours de route, que vous allez pas nous abandonner en cours de route. Quraysh, à ce moment-là, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, il a dit vrai, Nu'aym ibn Mas'ud. Et ils ont envoyé, Quraysh ont envoyé un homme aux Juifs pour leur dire, par Allah, on vous donnera pas d'otages. Alors sortez pour nous aider dans le combat. Comment on s'est mis d'accord? Sans vous donner d'otages. Banu Qurayda, quand ils ont entendu ça, ils ont dit également, Nu'aym a dit vrai. Et ils ont refusé de participer dans la bataille. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a envoyé sur les coalisés un froid glacial et un vent qui arrachait leurs tentes. Au point où même leurs marmites, quand ils préparaient des choses, se renversaient avec la force du vent. Et les tentes et les cordes, tout était arraché. C'était un très très fort vent avec un froid glacial. Et quand ils ont vu ça, avec ce qui s'est passé avec les Juifs, avec le vent et le froid, et les autres soldats qu'Allah a envoyés contre eux, avec tout ça, ils ont décidé de repartir cette nuit même à Mecca. Ils ont décidé d'arrêter l'assiègement de Medina et de repartir cette nuit même à Mecca. Et ainsi, yani, ce hissar, l'assiègement de Medina, c'est fini de cette manière. Et le Nabi alayhi salatu wa salam, comme je vous ai dit par rapport à Hudhayfa radiallahu anhu, il l'avait envoyé pour, yani, lui ramener les informations des coalisés. Il l'a envoyé pour prendre les informations des coalisés. Et il a vu Abu Sufyan, il était tellement proche de lui comme il a dit « Si j'aurais voulu le tuer, je l'aurais tué. Mais je me suis rappelé le conseil de Nabi alayhi salatu wa salam. » Et à un moment, Abu Sufyan, comme s'il a douté de la présence de quelqu'un étranger, il leur a dit que chacun regarde celui qui est à côté de lui et qu'il vérifie son identité. Et Abu Hudhayfa radiallahu anhu, il s'est précipité, lui, le premier, il a pris celui qui était à sa droite. Il lui a dit, t'es qui? Il lui a dit, je suis un tel. Il lui a dit, d'accord. Il a regardé celui qui est à sa gauche, il lui a dit, t'es qui? Et ainsi, il a échappé à ce qu'il découvre qui il était. Et ensuite, il a su qu'il se préparait à repartir et il est retourné informer le Nabi alayhi salatu wa salam. Le lendemain, donc ça, c'est dans la nuit qu'ils sont repartis. À la matinée, le lendemain, dans la matinée, Nabi alayhi salatu wa salam et ses compagnons, yani la guerre était finie, sans combat, comme on a vu. Nabi alayhi salatu wa salam a commencé à retirer ses armes et retirer la tenue de la guerre. Yani a commencé à retirer ses armes et sa tenue de la guerre et du combat. Et Sahaba faisait de même. Quand Jibril alayhi salam est arrivé, et il leur a dit, Nabi alayhi salam, il était en train de faire le ghusl dans la maison de Ummu Salama radiallahu anha, de se laver. À ce moment-là, Jibril alayhi salam est venu, il lui a dit, est-ce que vous avez déposé vos armes? Nabi alayhi salam, il a dit oui. Il a dit, alors nous, les anges, on n'a pas encore déposé nos armes. Alors, lève-toi et dirige-toi vers Bani Qurayda. La guerre n'est pas finie. Il reste à régler le compte de Bani Qurayda. Donc, c'est ça qu'on va voir la séance prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, avec d'autres détails qui concernent la bataille des coalisés. Mais je vous ai cité la bataille comme ça, du début jusqu'à la fin, avec tous les éléments importants. Il reste à tirer les leçons et les profits et quelques autres histoires qui concernent cette bataille que nous allons voir avec la suite des Banu Qurayda, la troisième et la dernière tribu juive qui reste dans le Medina après cette trahison également. On va voir leur sort dans le cours prochain bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.